Auditeurs, auditrices de Radio Show, bonsoir. Lisiane vous dit bonjour dans l'émission Quoi de neuf. Nouvelle bactérie après le Covid arrive en Europe. Son apparition dans l'Europe. Attention à la grosse chaleur d'aujourd'hui. Nous sommes partis avec les anniversaires People. Aujourd'hui, nous avons Olivier Dion, demain Laurent Fignon, mardi Luis Mariano, mercredi David Hallyday, jeudi Sylvie Vartan, vendredi Shella, samedi Stéphane Echer et dimanche prochain Hugo Frey. Olivier Dion, 33 ans. Ah, le soleil, on en a, on en veut toujours, hein. Il va faire beau aujourd'hui, profitez de cette belle journée qui nous annonce. Claire, bonne fête à vous les Claires qui écoutez Radio Chevauchard. On prie Saint-Clair, on va porter des œufs à Saint-Clair pour avoir du beau temps lors de sa festivité. Fondatrice des Clarisses. Caractère difficile à vivre les Claires. C'est clair comme de l'eau. Le dicton du jour, eh bien, la journée est chaude et claire, comptez sur les fruits à couteau, à couper sur qu'ils sont beaux. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du numéro 1, 8, 15, 16, 26, 45 et 25 pour le Joker. Plus nous avons le 900. 56 412 signe taureau. Vive les vacances. Pendant les vacances, fais rien. J'étais en vacances, je suis crevé, dis donc. Vive les vacances. Et oui, si vous êtes toujours en vacances, eh bien, de bonnes vacances en Belgique et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, passez une bonne journée. On est dimanche 11 août et on arrive tout doucement déjà à la moitié du mois, hein, qui finit à grands pas. Les écoles vont bientôt reprendre. La journée du style pan, j'espère que je le dis bien. C'est une casserole ou un bidon que vous voyez, des groupes hein, qui jouent sur des tonneaux et qui font de la musique avec. On est bien sûr dimanche, comme je viens de vous le dire. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, nous serons en direct depuis la kermesse de Névremont, où là, nous avons bien sûr la possibilité de venir nous rencontrer au 56 rue de Névremont, à la salle Bailerie, dès 11h, animation de Radio Chevauchard, avec en premier lieu Elliot Ness qui nous joue du Shadows, que vous avez pu voir plusieurs fois à Radio Chevauchard, la guitare des Shadows, et pendant ce qui joue, eh bien, vous pouvez manger votre repas barbecue, 20€ par personne, que vous pouvez réserver à deux numéros de téléphone que je vous donnerai après. Et puis alors, vous aurez Walter Michel que nous allons écouter à l'instant pour continuer le début d'après-midi avant le thé dansant de ce accordéoniste qui nous vient tout droit de France. Hein, il n'est pas de la Belgique, mais il s'appelle Christian Gauchis qui viendra nous jouer un thé dansant à la salle. L'entrée est gratuite. Vous pouvez téléphoner pour plus de renseignements. 0493 92 28 53, ou à Radio Chevauchard 0477 59 48 43. Sur la terre absurde et solitaire, ou peut-être en mission, qu'est-ce que dit la cigale au crépuscule? Est-ce que les arbres ont mal quand ils brûlent? Profitez-en de Walter Michel qui chante Sardou, car il termine tout doucement sa carrière de chanteur. Dimanche prochain, tous à Névremont avec Radio Chevauchard et le comité de Névremont pour fêter cette belle kermesse. Et la kermesse commence déjà le vendredi à 19h avec ouverture des festivités, concours de balle-pelote le samedi, inscription de tournoi de pétanque et puis ouverture de la salle avec loge foraine et la soirée cocktail. Et le dimanche, eh bien, ce que je viens de vous annoncer, et pour les amateurs de vieux tracteurs en balade, c'est dès 9h le matin. N'oubliez pas de vous inscrire au numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure. On écoute l'étoile semaine, il s'appelle Alexis Issou, qui va nous chanter Tôt ou tard. Elle ne me quitte pas. L'étoile semaine que vous venez d'écouter. On vous rappelle que les cartes à dédicace, la lettre C est terminée. Si vous voulez plus de renseignements, vous sonnez à la direction de Radio Chevauchoir. Et n'oubliez pas que si vous voulez venir à la guinguette de Radio Chevauchoir, c'est le 24 août, le samedi 24 août dès 11h. Nous avons le jeu bingo et vous pouvez réserver votre encas et à 15h, vous aurez votre karaoké. L'entrée est gratuite. Et puis, le thé dansant à Radio Chevauchard, c'est le dimanche 1er septembre avec Cathy Minet et Patrick Duquenois, qu'on se le dise. Vous savez que le lundi, Radio Chevauchard vous propose une nouvelle émission que vous pouvez écouter. Une petite note pour une petite séquence, c'est des comédies musicales et également des contes et musiques que vous retrouvez le lundi après-midi. Et ce lundi, vous aurez un conte musical de 1789. Bonne écoute. CD de Jovali sur les antennes de Radio Chevauchard. Bonne écoute. Bonnes vacances sur Radio Chevauchard. Vous avez ce genre de musique, et bien rendez-vous le lundi après-midi. Vous pouvez soutenir votre radio de différentes manières. Vos cartes de soutien à partir de 6 euros. Vos parrainages, 3 euros pour 4 émissions. Vos cartes de dédicace. Mais vous pouvez également soutenir le site internet, 20 euros par an, également en vous rendant à nos différentes activités. Voilà, plus ou moins le genre de musique que vous retrouverez le lundi, mais ce lundi-ci, vous retrouverez Les Amants de la Bastille 1789. C'est une comédie musicale. Vous aurez un peu de bouzouki et vous aurez du Jean-Pâques piano. Et puis, on terminera avec du Gemslas. Bonne écoute à partir de 14h sur les antennes de Radio Chevauchoir. Mais avant ça, vous avez Michel à 9h et à 10h, Marie-Jo et Julos. L'émission L'Apéritif Musette. Merci à Jules de m'avoir remplacé. La semaine dernière, nous étions à Oisy où tout s'est bien passé. On avait le soleil, la bonne humeur et bien sûr la bonne musique et tout ce qui va avec. Merci parrain et marraine Karine et David Courrière, Josette et Émile, Josette, Francine, Nicolas, Jacques, Eliane de Profondville, Alain, Denis de Malone, Loulou d'Ivoire, Papy Georges, Gisèle de Gèves, Jacqueline et Michel de Bouge, Robert et Yves, Nicole de Staff. Et vous pouvez toujours parrainer les émissions de vos animateurs. C'est un soutien pour votre ASBL. Ça vous coûte 3 euros. Si vous voulez m'appeler, eh bien, le standard téléphonique est ouvert. Et je vous offre tant avec votre abonnement ou votre carte. Bonne fête à toutes les claires qui nous écoutent. Dimanche prochain, l'apéritif Musette sera comme d'habitude de 9h à 11h avec votre animateur Robert et puis nous reprendrons la relève depuis Névremont. Deux anniversaires à citer aujourd'hui, c'est Marcel de Liège. Bon anniversaire à vous Marcel, bonne journée avec Bernadette et les amis. Également, bon anniversaire à Solange Dégazé. Bien le bonjour à Brigitte et André Solange et bon anniversaire.